Le comité préparatoire pour la célébration de la journée du soleil et la journée de la brillante étoile sont constitués à Vienne, Autriche, et à Maribor, Slovénie. Ils ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles, y compris séminaires et conférences, pour exalter les exploits immortels du président Gemelson et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité préparatoire égyptien pour la célébration du jour anniversaire de son excellence Kim Jong-il est constitué au Caire.